Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Coralie Sérig lit Histoire de Babar, le petit éléphant, de Jean de Brunhoff. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Là, il est dans son petit hamac, sa maman le berce. C'est la première image du livre. La première image, on voit le petit Babar. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. C'est lui qui creuse le sable avec un coquillage. Là, il y a tous les éléphants qui s'amuse, et j'aime bien parce que c'est écrit que c'est lui qui creuse le sable avec un coquillage, parce que c'est vrai que sinon, on pourrait pas vraiment le reconnaître quand même au milieu de tous les autres. Parce que il se ressemble quand même pas mal. Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman. Quand un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Le singe se cache, les oiseaux s'envolent. Babar pleure. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Alors là, il est sur le dos de sa maman. Ça, c'est très fantaisiste de la part de l'auteur. Je veux dire, bon. Et alors, cet horrible chasseur arrive. Et la maman est morte et Babar pleure dessus. Et ça, vraiment, je crois que c'est une image qui a fait pleurer des centaines ou des milliers d'enfants. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur. Au bout de quelques jours, bien fatigué, il arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Que de choses nouvelles, ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense, vraiment, elles sont très bien habillées. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire? Heureusement, une vieille dame très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit, merci madame. Oui, là on voit l'opéra, et la fameuse vieille dame arrive. Très chic, très mince, très... Beaucoup d'allure à côté de Babar. Ils se comprennent tout de suite, je crois. Sans perdre une minute, Babar va dans un grand magasin. Il entre dans l'ascenseur. Il trouve si amusant de monter, de descendre dans cette drôle de boîte qu'il monte 10 fois tout en haut, descend 10 fois tout en bas. Il allait continuer quand le groom de l'ascenseur lui dit « Ce n'est pas un joujou, monsieur l'éléphant. Maintenant, il faut sortir pour acheter ce que vous voulez. Et justement, voilà le chef de rayon. » Alors, il s'achète une chemise avec col et cravate, un costume d'une agréable couleur verte, enfin des souliers avec des guêtres, puis un beau chapeau melon. Ce costume vert, c'est vraiment tout Babar. On le voit que, quoi, 3 ou 4 pages avant qu'il soit habillé, et ensuite il gardera toujours son costume vert, son chapeau melon. C'est et puis, le vert Babar. Le vert Babar. Et puis il est debout en plus. C'est ça le génie de cette invention, c'est que c'est un éléphant qui marche debout. Et ça se passe très bien finalement. Ils ne sont pas toujours tous debout, et les autres sont à 4 pattes aussi. Enfin, ils marchent normalement pour eux, mais lui, il a fait un tour chez les hommes. Très content de ses achats et satisfait de son élégance, Baba va chez le photographe. Et voilà sa photographie. Baba va dîner chez son amie la vieille dame. Elle le trouve très chic dans son costume neuf. Après le dîner, fatigué, il s'endort vite. Maintenant, Baba habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique. Puis, il prend son bain. Quand il fait de la gymnastique avec la vieille dame, ça, j'aime beaucoup. Il est en caleçon rouge. La vieille dame a un petit bonnet de bain sur la tête. Ils font tous les deux des pliés, comme ça, sur un tapis. Ça, c'est très mignon. Bon, puis ensuite, il prend son bain. Il s'arrose lui-même avec sa trompe. C'est assez pratique. Il n'a pas besoin de douche. C'est assez pratique. Et puis là, alors, il se promène en auto. Il a une magnifique voiture rouge. Et ça fait aussi un peu penser à... Dans les babars, quand il y a des paysages, il y a aussi babars au ski, enfin en vacances de neige, il y a tout un paysage de neige, c'est toujours très très très poétique. Ou alors dans le voyage de babar, il arrive en bateau dans un port. Et ces dessins de paysages sont vraiment merveilleux. Là, ça pourrait être, la Normandie, avec des péniches, un petit restaurant, des arbres en fleurs, des petites vaches, des libellules, un petit hélicoptère dans le ciel, un petit ballon là-bas. C'est l'annonce de son ballon de voyage de noces, peut-être. Tous les jours, il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Un savant professeur lui donne des leçons. Baba fait attention et répond comme il faut. C'est un élève qui fait des progrès. Le soir, après dîner, il raconte aux amis de la vieille dame sa vie dans la grande forêt. Là, il a quitté son costume vert. C'est quand même un événement. Il a un pantalon rayé, un petit nœud papillon rouge, un petit gilet blanc, une veste grise. Il a très élégamment sa main dans la poche. Il croise les jambes près de la cheminée. Et tout le monde l'écoute avec énormément d'attention. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux. Il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. Coralie Séric, quelle impression ça t'a fait quand tu as rouvert ces livres pour la première fois depuis très longtemps ? Bien, récemment, j'en ai ouvert un qui était le voyage de noces pour mon fils et ça m'a fait un plaisir énorme. Mais finalement, là, pour cette émission, comme j'ai rouvert l'histoire de Baba, donc le début, le petit éléphant, ça m'a vraiment émue. Parce que c'est le départ et, comme j'ai dit tout à l'heure, le moment où sa maman meurt, c'est vraiment un moment mythologique. Et quand on parle avec des gens de Babar, cette image revient très souvent. Quand il est bébé, que sa maman le berce et qu'elle se fait tuer par le chasseur, c'est vraiment une chose dont tout le monde se souvient tellement fort. Parce qu'après, il y en a qui préfèrent l'un que l'autre. Enfin, c'est comme tout. Après, ça part dans les aventures. Mais le départ... C'est vraiment ce qu'il y a de plus fort, quoi, quand il est enfant. Tu les lisais toi-même, les histoires de Babar, ou quelqu'un te les racontait ? Je crois qu'on a dû me les lire, mais ensuite j'ai dû les lire moi-même aussi. Enfin, je me souviens très bien des livres, on me les racontait, en tout cas pas sans les livres, bien sûr. Parce que c'est vrai que les images sont très importantes, c'est pour ça que j'ai hésité un moment... pour choisir Babar, parce que je me disais que c'est quand même les images qui sont extraordinaires, quoi. Donc je me souviens de les avoir lus, je me souviens même d'en avoir oublié un dans le métro, donc je prenais déjà le métro. Donc je les lisais encore à 9 ans, quoi, à 8-9 ans, quoi. J'ai oublié les vacances de Zéphyr, la première édition, je me souviens, et que c'était un peu triste, quoi. Surtout que c'est un qui est un peu moins connu, mais qui est extraordinaire parce qu'il va dans une île où il y a des personnages extraordinaires, quoi. Des dessins, des moitiés animaux, moitié personnes, moitié sirènes, moitié... Et ça, pour les enfants, c'était très, très, très, très mystérieux. À part dans le métro, où est-ce que tu lisais les histoires de Babar ? Tu te souviens d'un lieu ? Chez ma grand-mère, je pense, et chez moi. Et chez ma grand-mère, chez qui j'allais très très souvent, je pense que je les lisais là. C'était où ? C'était rue de Poissy, dans le 5e. Elle a habité là pendant toute mon enfance. J'allais énormément chez elle. J'ai même habité chez elle à un moment. J'allais à l'école à côté. Enfin, c'est vraiment un des quartiers de mon enfance. Et puis chez moi aussi, j'habitais donc à Montparnasse. Et parce que donc, quand je l'ai oublié dans le métro, j'habitais à Montparnasse à ce moment-là. Et on avait ces livres et on faisait très attention aux livres. Je dis ça parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est plus rare. Moi qui ne suis pas quelqu'un de spécialement soigné et ordonné, je faisais très attention à mes livres. C'est-à-dire que mes livres d'enfance sont toujours là, quoi. J'en prenais soin, ils ne sont pas abîmés, ils ne sont pas déchirés. Il y avait peut-être une autre façon d'aborder les livres que maintenant, je crois. Les parents étaient, enfin, en tout cas chez moi, on était plus respectueux. C'est un objet plus précieux, plus important, quoi. 2 années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre 2 petits éléphants tout nus. « Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, » dit-il stupéfait à la vieille dame. Arthur et Céleste, j'avais complètement oublié que Arthur et Céleste étaient frères et sœurs, alors je ne me rappelais pas du tout de ça, que Céleste était la cousine de Baba. Baba embrasse Arthur et Céleste. Puis, il va leur acheter de beaux costumes. Il les emmène chez le pâtissier manger de bons gâteaux. Pendant ce temps, dans la forêt, les éléphants cherchent et appellent Arthur et Céleste, et leurs mamans sont bien inquiètes. Heureusement, en volant sur la ville, un vieux marabout les a vus. Vite, il vient prévenir les éléphants. Il y a des petits encadrés, enfin, ils crient dans la forêt, tous les petits éléphants. Il y a marqué « Céleste, Arthur ». Les singes sont en haut des palmiers, ils essayent de regarder s'ils les voient. Ça, c'est dans la grande forêt. Ah, ça, je me rappelle très bien de cette image, parce que c'était quand les mamans arrivent à la ville, les mamans d'Arthur et Céleste, et les grondent. Alors, c'est très important, parce que les sourcils des 2 mamans éléphants sont froncés comme ça, et c'est très rare quand même, quand les éléphants sont fâchés comme ça, et c'est très impressionnant, Arthur et Céleste baissent un peu la tête, enfin elles sont quand même très contentes, mais enfin, les sourcils froncés, c'est, enfin ça je me rappelle. Les mamans d'Arthur et de Céleste sont venues les chercher à la ville. Elles sont bien contentes de les retrouver, mais elles les grondent tout de même parce qu'ils se sont sauvés. Babar se décide à partir avec Arthur, Céleste et leur maman, et à revoir la grande forêt. Aidé par la vieille dame, il fait sa malle. Alors ensuite, il quitte la vieille dame, il fait sa malle, il emmène des pantoufles, des bonbons, des cravates, des bouteilles, des trousses de toilette, enfin. Et puis il a une malle avec un B. Je pense que c'est la vieille dame qui lui a acheté, à son nom. Alors ensuite, là, ils partent en auto. Alors Arthur est juché sur la malle qui est derrière, sur le coffre de l'auto. Et puis Babar prend la vieille dame dans sa trompe, si je peux dire. Et ils sont très tristes de se quitter, là. Alors elle est toute menue, toute frêle, entourée par la trompe de Babar. Tout est prêt pour le départ. Babar embrasse sa vieille amie. S'il n'avait pas le chagrin de la laisser, il serait tout à fait heureux de partir. Il lui promet de revenir. Jamais il ne l'oubliera. Ils sont partis. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière et lèvent leur trompe pour ne pas respirer la poussière. La vieille dame reste seule. Triste, elle pense. Quand reverrai-je mon petit Babar ? Et alors ça, c'est aussi une image dont je me rappelle, la vieille dame à son balcon, parce que elle est en haut dans son balcon, elle regarde la route et elle voit la voiture rouge de Babar qui s'en va avec les 2 mamans qui courent derrière. Le même jour, hélas, le roi des éléphants a mangé un mauvais champignon. Empoisonné, il a été très malade, si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. Après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Juste à ce moment, ils entendent du bruit, ils se retournent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Babar qui arrive dans son auto et tous les éléphants qui courent en criant. Les voilà, ils sont revenus. Bonjour Babar, bonjour Arthur, bonjour Céleste. Quel beau costume ! Quel bel auto ! Alors Cornelius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante. Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar ? Il revient de la ville, il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants trouvent que Cornelius a très bien parlé. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. Je vous remercie tous, dit alors ce dernier. Mais avant d'accepter, je dois vous dire que, pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste ! Vive le roi Babar ! Crient tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devint roi. Il y a Céleste qui a toujours sa petite robe à fleurs avec son petit chapeau jaune avec une petite fleur rouge. Babar a toujours son costume vert. Et il demande aux dromadaires, aux petits oiseaux, il y a une autruche, il y a des perroquets verts, il y a le marabout. Et alors il demande aux oiseaux d'aller avertir tout le monde dans la forêt qu'il va se marier et qu'ils vont donner une grande fête. Babar dit à Cornelius, « Tu as de bonnes idées, aussi je te nomme général, et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau. Dans 8 jours, j'épouserai Céleste. Nous aurons alors une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. » Ensuite, Babar demande aux oiseaux d'aller inviter tous les animaux et charge le dromadaire de lui acheter à la ville de beaux habits de noces. Là, tous les animaux accourent. Alors, il y a un tigre, il y a un rhinocéros, un hippopotame, une girafe, un serpent, un singe, un lion, une autruche, une petite gazelle, un lézard. Et le dromadaire aussi qui ramène les habits de noces, qui a des paquets sur le dos parce qu'il est allé à la ville et pour ramener les habits de noces. Alors, les habits de noces aussi, ça c'est frais dans ma mémoire, enfin le mariage. Parce que Babar a une grande cape rouge avec un dessus en... Je ne sais pas comment on peut s'appeler ça, la zibeline ou quelque chose comme ça. Blanc avec tacheté, quoi. Céleste est tout en blanc, mais surtout cette grande cape rouge, ça c'est très important, quoi. Les invités commencent à arriver. Le dromadaire rapporte les costumes juste à temps pour le mariage. Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. Et alors là, c'est le bal, tout le monde danse comme des fous, c'est les singes qui font la musique. C'est-à-dire que les singes font de la trompette. Et il y a Arthur quand même qui joue de la grosse caisse. Il a un petit bâton, une baguette dans sa trompe. Les singes en swing, ça c'est connu de toute façon. Et tous les autres dansent comme des fous. Babar et Céleste se tiennent par la trompe. Et là, les rhinocéros, les hippopotames, tout ça, ça se met un peu debout. Et même tous les éléphants, là, ça monte sur ses deux pattes arrière et ça danse debout. La fête est finie. La nuit est tombée. Les étoiles se sont levées. Le roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur bonheur. Maintenant tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents, mais fatigués d'avoir trop dansé. Longtemps ils se rappelleront ce grand bal. Et alors là, à la fin, ils montent dans leur ballon jaune, sur lequel il y a marqué « Au revoir ». Babar a repris son costume vert. La seule différence, c'est que maintenant, ils ont des couronnes, tous les deux, Babar et Céleste. Ils tiennent un petit mouchoir dans leur trompe et disent au revoir. Et ils partent donc pour leur voyage de noces. C'est le voyage de Babar qui se passe après. Où il se passe des tas de choses formidables aussi. Voilà. Tu lisais beaucoup ? C'était une part importante de ta vie d'enfant ? Oui, je lisais énormément. Je lisais énormément... Quand j'étais à l'école, j'avais lu tout mon livre de lecture au début de l'année, quoi. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup ça et... oui, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, quoi. Pratiquement. Et donc, les livres de lecture, par exemple, qui étaient des textes les uns après les autres. Bon, c'était pas des histoires. Je le lisais en entier, quoi. Dès le début de l'école. Et à l'adolescence aussi, je lisais beaucoup. Je m'ennuyais au lycée, j'apportais des bouquins. Je lisais pendant les classes, quoi. Et j'étais pas la seule, d'ailleurs, hein. On faisait ça, les cours de français nous ennuyaient énormément. Alors, on avait des bouquins sous nos pupitres et on lisait, quoi. Puis on lisait vraiment de la littérature à cette époque, enfin. Donc on lisait Maupassant, Zola, assez jeune, à 10-11 ans. Bon, des choses comme ça. J'ai lu avant les livres pour enfants, comme les Clubs des Cinq, tout ça, mais c'était plus tôt. À partir de 10 ans, on se plongeait dans Boris Vian, dans tout ça, quoi. Aussi, et je lisais aussi... J'étais tombée sur Les Liaisons dangereuses, je me souviens. Enfin, j'étais un peu plus âgée, j'avais 14 ans, 13-14 ans. Mais j'étais tombée là-dessus, enfin, on lisait tout, quoi. Et finalement, j'ai beaucoup plus lu entre 10 et 18 ans qu'après, malheureusement. C'est tes parents qui dirigeaient tes lectures? Est-ce qu'ils non, te conseillaient? Non, pas du tout. Pas du tout, ils ne me conseillaient pas du tout. Mais j'étais dans une famille où il y avait beaucoup de livres. Chez ma grand-mère, donc à Neuchâtel, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait 3 tonnes de livres, parce que mon grand-père était donc archéologue, il avait beaucoup de livres aussi pour lui, mais il y avait énormément de livres, donc on piochait dans la bibliothèque, quoi. Alors, je me souviens qu'elle m'avait dit de ne pas lire La joie de vivre de Zola, par exemple, parce qu'elle disait que c'était trop déprimant. Et moi, je m'étais évidemment jetée dessus, c'est-à-dire que je l'avais pris tout de suite. Je me souviens très bien de ça, de La joie de vivre. Je ne sais pas pourquoi, elle trouvait que celui-là était trop triste. Elle m'avait donné La fortune des Rougon, et qui m'avait touchée parce qu'on la surnommait Miette, et dans le livre, il s'appelle Miette et Silver, les héros. Alors, et puis je me projetais aussi là-dedans, enfin on se projetait, c'est-à-dire que je pensais déjà faire du théâtre et tout ça, et quand j'ai eu passé 11 ans ou 13 ans, parce que dans La joie de vivre, elle a 13-14 ans, Pauline, au début, et alors je me disais, après c'est fini, je ne pourrai plus jamais jouer cette héroïne ou comme ça. Ça me paraissait très loin, 13-14 ans, et puis bon, c'est passé finalement très vite. Mais non, ils ne les dirigeaient pas, mais ils étaient là, hein. C'est-à-dire que je n'avais pas à faire des efforts et je pouvais en parler. Est-ce qu'il y avait un endroit dans lequel tu aimais particulièrement lire? Ben, ça dépend des âges. J'ai le souvenir beaucoup d'avoir lu au lit. Hein. Je lisais aussi plus jeune parce que mes parents sortaient et me laissaient toute seule et que j'avais peur, je crois. Donc je m'installais dans leur lit. Et je me souviens, je prenais une pile de raisins secs, 2 tablettes de chocolat, des verres d'eau, et je prenais un livre. Mais ça, j'avais 7-8 ans, j'étais assez jeune. Ça, c'était des livres encore dans cette collection un peu cartonnée blanche où il y a des croisillons dorés. Enfin bon, cette fameuse collection d'enfants. Je me souviens que je lisais carrément un livre dans la soirée, je lisais jusqu'à 11h du soir, parce que c'était une manière de lutter contre la solitude, quoi. Parce que je pense que j'avais un petit peu peur. Alors ça, je me souviens très bien que j'ai lu beaucoup à ce moment-là dans le lit de mes parents, spécialement. Et puis ensuite, au lycée, dans les cours. Et puis en vacances. Bon, ça bien sûr, en vacances, plus tard sur la plage. Je me souviens que j'ai gardé mes frères quand j'avais 14-15 ans et que je lisais sur la plage, ils m'empêchaient de lire et que ça me... je leur disais d'aller jouer plus loin, donc je lisais à ce moment-là sur la plage aussi, en l'été, quoi. Métro, il marche normalement. 1, 2... Manakara soli, look Kralou, kranon, poto, pata, pata, coco, coco. Mais tu vois, on me la chantait pas du... Alors, éteins. Oui, alors après le voyage de noces de Babar, où il se passe des tas de choses, Babar et Céleste retournent au pays des éléphants, et la vieille dame est là aussi. Elle a un petit ami qui s'appelle le singe Zéphyr. Et c'est là, c'est dans le roi Babar, donc, qu'ils fondent leur ville, Célesteville. C'est-à-dire que Babar voit un lac, il trouve ça tellement beau, qu'il décide de fonder sa ville ici, qui va s'appeler Célesteville. C'est très élégant vis-à-vis de sa femme, je trouve. Et alors, y a des tas d'outils, des tas de matériaux qui arrivent, et tout le monde travaille très très dur pour construire la ville. Et Célesteville naît. Alors on voit Célesteville qui est au bord d'un lac, qui a le palais des fêtes avec le cirque, le théâtre, le cinéma. Il y a le palais du travail et la bibliothèque. Et, entre parenthèses, moi, mes grands-parents habitaient à Neuchâtel et on pensait toujours que ça ressemblait à Célesteville parce que c'est une ville qui est longue, comme ça, au bord d'un lac. Et ça nous faisait toujours penser à Célesteville, quoi. Et puis, alors, tout ça s'organise très fort. Il y a des jardins publics, les jardiniers... plantes, arrosent avec leurs trompes, etc. Et alors, on arrive aussi à une chose dont je me rappelle vraiment bien, qui est la chanson des éléphants. Alors, c'est-à-dire que les enfants éléphants vont faire une surprise à Babar et Céleste. Ils ont demandé à Cornelius de leur apprendre la chanson des éléphants. C'est Arthur qui a eu l'idée. Et alors, voilà la chanson des éléphants. Patalidirapata. Cromda, cromda, ripalo, pata, pata, coco, co. Bocoro di pulito, rondi, rondi, pepino, pata, pata, coco, co. Emana carasoli, lucra, lucra, non ponto, pata, pata, coco, co. Alors, il y a un petit nota en bas qui dit « Cette chanson est le vieux chant des mammouths. Cornelius lui-même ne sait pas ce que veulent dire les paroles. » Alors, c'est très mystérieux parce que je m'en rappelais toujours, je disais un petit peu en majeur. Et là, c'est très mineur comme musique. C'est très mystérieux parce que c'est le chant des mammouths. Alors... ça peut pas ressembler à la musique française du 18e, quoi. Première lecture, lecture d'enfance. L'histoire de Babar le petit éléphant, de Jean de Brunhoff, par Coralie Sérig. Gérard Servet, Sylvain Jaffray, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission a été remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.